l'Éternel a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Toi tu lui appartiens, c'est ton devoir, tu dois l'aimer. Yes. Yahweh, yodi makiko kuba bonaga. Yahweh, ekoti.